nuit je m'éclate comme un rat mort. Le jour je traîne sur le vieux port. J'ai pas d'amour, j'ai pas d'amis. Mon univers c'est le ciel gris. J'accroche à ma bouteille de vin, sur le trottoir je tends la main. J'ai quelques pièces dans ma casquette, un peu de soleil, beaucoup de chagrin. Plusieurs centaines de morts par an, les SDF sont tes enfants. Milliers de logements inoccupés, château de l'ordure, c'est l'Elysée. À coups de pied, je faisais tâche dans le quartier. Les coups de matraque sur ma sale gueule, la tête en sang, je me sens seul. Y a plus de pinard dans ma boutanche, je m'assois par terre, je fais la manche. L'hiver se colle sur ma vieille peau, le froid s'inscrit dans mon cerveau. Plusieurs centaines de morts par an. SDF sont tes enfants. Milliers de logements inoccupés. Château de l'ordure, c'est l'Elysée. La mort est venue au petit matin. Je ne respire plus, j'ai plus de chagrin. Camion poubelle m'a ramassé et le croque-mort m'a enterré. M'appelais Lola, la traîne misère, la fosse commune, fin de la galère. 44 ans, c'est déjà vieux, là où je suis, c'est beaucoup mieux. Plusieurs centaines de morts par an, les SDF sont tes enfants. Milliers de logements inoccupés, château de l'ordure, c'est l'Elysée. La nuit je m'éclate comme un rat mort. Le jour je traîne sur le vieux port. J'ai pas d'amour, j'ai pas d'amis. Mon univers c'est le ciel gris. Je m'appelais Lola, la traîne misère. La fosse commune, fin de la galère. 44 ans c'est déjà vieux. Là où je suis c'est beaucoup mieux. Plusieurs centaines de morts par an. Les SDF sont tes enfants.